aux environs de l'an 500 après Gergovie. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Des côtes de la Frise, sur des bateaux très longs, voile gonflée de brise, Hengist, le Saxon, et avec son frère Gosc, en guise de tribu, pris en otage les femmes de l'île de Wight. D'île en île, en quelques décennies, les Saxons prirent possession des royaumes bretons. Quand un peuple est vaincu et qu'il n'a plus d'histoire, il se fabulise alors une légende, sorte de brocéliande. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Vent de la défaite, naquirent des nuages, des ombres magnifiques en forme de victoire. Un énorme stratus en uther pendragon, un cumulonimbus, c'est Guenièvre et Artus. Et Gauvin, Lancelot et tous ses rois falots, Bretagne moribonde sous une table ronde. Mais depuis 2000 ans, sous l'Europe interlope, de l'Irlande à l'Ukraine, bien au-delà des haines, fermente lentement le germe interethnique. Les cathédrales ne sont ni romanes ni gothiques, les cathédrales sont des sanctuaires celtiques. Les cathédrales sont des sanctuaires celtiques. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires. Jordigern, le maître de toutes les Bretagnes, pour défendre ses terres, paya des mercenaires.